Bonjour à tous et bonjour à toutes, vous êtes sur Radio Campus et vous écoutez l'émission Goodbye Kevin, pardon, émission de rentrée pour notre part, la 302e. Comment ça va Pierrot ? Ça va bien. Après cette trêve estivale ? Bah, ça fait du bien, ça a permis de recharger les braderies. Les batteries et de chercher plein de nouveaux sons. Voilà, donc bien content de revenir. Eh bien très bien. En parlant de nouveaux sons, qu'est-ce que tu as prévu nous faire écouter dans cette émission ? Alors, cette semaine, on va écouter la collaboration de deux groupes de Chicago. Ensuite, on va écouter un nouveau projet sorti chez Stone Straw Records, label qu'on aime bien. Plutôt rap, du coup, hip-hop ? Non, pas forcément. Mais pas forcément. On écoutera aussi le projet d'un artiste... dont le nom est un homonyme d'un joueur de l'Olympique Lyonnais. Puis on enchaînera avec deux artistes qui abordent le dub de différentes façons. Et on finira avec des punks irlandais. Ok, d'accord. Pour ma part, on est sur un début très post-punk. D'abord, du post-punk nerveux et angoissé de Suède. Ensuite, un autre genre de post-punk qui vient d'Australie cette fois. On aura aussi... Mais ça tire plus sur l'indus. Une musique industrielle berlinoise. On aura aussi du post-rock électro-londonien, du rock expérimental de Sydney. Si on a le temps, on aura aussi du shoegaze un peu pop du Texas. Voilà pour moi aujourd'hui. En tout cas, on a toujours la même recette, plein de styles différents, plein de musique, donc ça va être très cool. À nouveau, on va commencer par ce projet de Chicago, qui nous vient tout droit de Chicago, où ces deux groupes... le premier groupe c'est Beaching Baja et l'autre c'est Natural Information Society. Donc le premier groupe il fait plutôt des paysages sonores plutôt microtonaux. Mm-hmm. Et le deuxième Natural Information Society c'est plus du jazz extatique. Donc le mélange des deux ça fait un septet. D'accord, ils sont plus que 7, ouais. J'ai l'impression que tu comprends pas ce que je dis. Si, mais en fait je n'arrivais pas à savoir si on écoutait deux groupes et deux morceaux différents ou si c'était deux groupes qui s'étaient rejoints ensemble. Non, c'est deux groupes qui se sont rejoints, c'est une fusion, d'accord, une collaboration. Okay. Ils avaient déjà sorti un album il y a quelques années, ils viennent d'en sortir un nouveau et nous on écoute celui entre les deux, celui qui est sorti il y a 2 ans je crois, qui s'appelle Totality, sorti chez Drag City. Et c'est un album qui est plutôt magique, qui oscille entre le krautrock, le disco, le jazz et beaucoup d'autres influences. Cet album, c'est un merveilleux voyage dans l'espace-temps. C'est des longs morceaux, des longues plages. Et c'est intéressant, ces artistes qui viennent de Chicago, puisqu'on a quand même le label International Anthem. Qui est basé également à Chicago, donc tu as une scène assez importante aussi de ce coin-là. Là, on est un peu plus dans l'expérimentation, mais une pointe de jazz est là. Bref, j'arrête d'en parler. Donc, Beaching's Bad Jazz avec Natural Information Society. Et on écoute le morceau Clock No Clock. Thank you. Clock No Clock, projet de Bitching Bajas et Natural Information Society pour ouvrir un long morceau jazz envoûtant, un peu spirituel, un peu tribal. Eh bien, on change radicalement de style avec Svartvatten, qui est un groupe de post-punk énervé originaire de Stockholm. Eux, ils puisent leur inspi dans la noise, le psychédélisme, et leur premier et unique album studio était sorti en 2024, c'est autoproduit. Je les ai découverts un peu tardivement au gré de mes écoutes, et j'avoue, j'ai eu un petit goût de reviens-y, quoi. 2024, ça va, c'est pas si tard. Non, c'est pas si tard. L'album s'appelle Nya Friskatag, et l'extrait qu'on écoute, c'est... Angstlatten, je pense, ça veut dire les anxieux. Voilà. Tout de suite sur Radio Campus à Svartvatten. Svartvatten avec le morceau Angstlatten. Voilà, désolé, je ne parle pas suédois. Et donc, du coup, je ne sais pas comment prononcer tout ça. Bah, c'est pas grave. Super. Là où je voulais faire une blague à Ikea, je me suis dit, oh, elle est nulle. Du coup, j'ai fait, il n'y a que c'est pas grave qui est sorti. Très bien. Partons en Amérique. En Amérique, avec le projet de Bardo, qui est l'ancien membre du groupe Chicano Batman, qui inaugure une nouvelle ère sur le label Stone's Throw Records avec une nouvelle chanson qui s'appelle Renaisseur et qui met en vedette un groupe éclectique, un peu musique du monde, en tout cas qui est new-yorkais d'origine colombienne, Combo Chimbita. C'est pas facile à dire. Non, mais il n'y a rien qui nous aide là. Rien du tout. Bon, en tout cas, c'est son nouveau projet avec ce groupe. Est-ce que c'est juste sur ce single qu'il y a une collaboration en vue d'un futur album, eh ben on ne sait pas. En tout cas, Renacer, ça veut dire renaissance. Bien sûr. Et avant, Chicano Batman, c'était un groupe rock psychédélique qui incarnait Los Angeles. Donc voilà, nouveau projet et chouette morceau qui allie bien le rock et musique du monde, même si on n'aime pas ce terme-là. Morceau que j'ai pas précisé, si, Renacer. Et voilà, bon, on l'écoute. Et combo Chipkita, Chibita, je vais vraiment pas réussir à le dire, avec le morceau Renacer dans cette nouvelle saison de Goodbye Kevin. Eh bien, moi je continue sur ma lancée post-punk avec les Shepparton Airplane qui viennent de Narm et de Melbourne en Australie. Et eux, ça fait à peu près depuis la moitié des années 2010 qu'ils se sont formés, 2015-2016 peut-être. Mais du coup, ça fait un peu d'eux des précurseurs quand on y pense, parce qu'en 2016, c'était pas encore le sursaut du post-punk. Enfin, ça commence. C'est les prémices. Ça dépend lequel. Maintenant, il y a quand même tellement de sous-genres post-punk. Ouais, mais te rappelles, on était quand même encore bien dans une grosse vague psyché et tout, machin. Ouais, ouais. C'était à la jonction. Donc voilà, eux, premier album 2016. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Voilà. Bref, on va écouter un extrait de leur dernier album qui s'appelle Firecast, l'album, qui est sorti en août dernier sur le label Wingsing. Le titre est éponyme, il s'appelle aussi Firecast, et c'est les Shepperton Airplane. Tu vois, même en anglais, j'y arrive pas. C'était les Australiens de Shepperton Airplane avec le morceau Forecast. C'était bien punk, hein, plus que post-punk, je oui, trouvais. Oui, c'est vrai. Oui, mais en fait, ouais, ce morceau-là. Après, oh, t'écoutes les autres. On est plus sur du post-punk. Le post-punk. Et c'est peut-être parce que je suis trompé par la pochette de l'album qui fait vraiment peut-être. Nous, on fait du punk, on est des fous. On fait la oi. Non, quand même pas. Non, quand même pas. On fait la oi, on fait la vie. J'ai après jour, à quoi ça sert? Eh ben, à quoi ça sert la vie? Peut-être que Mélodie Gazal, cette prochaine artiste, se pose cette question. C'est une chanteuse, compositrice, productrice iranienne qui est basée à Copenhague. Copenhagen? Ah, c'est ça l'accent danois. Et qui a sorti un morceau en 2023 que je trouve plus que jamais d'à propos. D'actualité. Avec exactement l'actualité et même la rentrée. Puisque ce morceau s'appelle Fuck the System. Et c'est une forme de douceur pour dire Fuck the System. C'est très doux. Mélodie Gazal, tout de suite. his hand, puts that disappointment on the offspring. Lately, searching up and down my old street. Lately, don't know how to spend a night alone. Lately, trying to get to know myself. I need a satellite dish to know myself. Fuck the system very much. Fuck the system very much. Fuck the system very much. Fuck the system very much. Yeah. New phone, who this now? I arrive to this land wide-eyed. Say what you want, I can't control it now. Boom up, pull up, I can't control it now. Take my head and let me show you. Pull it back and forth and make me blow you. I am changing, asking who to be. I am searching for my family. Fuck the system, voilà, on peut retenir ça un vendredi après-midi. Les nouilles, on enchaîne par quoi ? On enchaîne avec Platenbo. Là encore, je suis un peu remontée dans le temps pour aller dans le Berlin 2023. C'est pas si loin, tu me diras. C'est pas si loin. Avec ce groupe qui s'appelle Platenbo, petit instant culture. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est un terme allemand qui désigne des grands immeubles, les grands immeubles préfabriqués en béton qui sont apparus dans les années 70 dans les grandes villes allemandes et notamment dans le quartier de Mitte, ouais, en Allemagne, à Berlin. Quartier qu'on a déjà visité. Bien sûr. Très chouette. Bref, point culture fermé. Enfin non, puisqu'on reste dans la culture. Donc qu'est-ce qu'ils font, eux ? Eux, ils fusent des éléments de noise, de post-punk et de wave dans une ambiance sombre et métallique. C'est pour ça que je parlais d'indus tout à l'heure. Parce qu'il y a un côté un peu industriel, mais je pense que c'est le côté un peu métallique. Bref, j'ai trouvé ça assez chouette. On va écouter un extrait de leur album Net Prophet qui était sorti en 2023 sur le label Dead Strange. Sachez que depuis, il y a un autre single qui est sorti et qui annonce potentiellement la sortie d'un nouvel album, mais je n'en sais pas plus. Du coup, le morceau s'appelle Stat. Oh là là, Stadtgrenz. Voilà, et c'est Platenbo. Wir wollen eine Stadt, in der sich alle Vous venez d'écouter le groupe Platenbo et je vous conseille d'aller écouter cet album là, Net Prophet. Il est vraiment pas mal, enfin moi j'ai bien accroché. Voilà voilà, c'était mes petits conseils. Partons dans le dub avec un projet, ou en tout cas un projet remixé de Jeff The Brotherhood, qui a remixé son album sorti en 2018, Magic Songs, en version dub, accompagné de Blanc du Blanc. Okay, c'est intéressant, intéressant. Hein. Intéressant. Tout ça a sorti sur Soul Select Records. Donc c'est un album qui à la base était plutôt psychédélique, groupe basé à Nashville, donc c'est bien rock, tout ça. Et bah, là on part sur une vision dub et l'idée c'est de remettre en avant les sound systems, le rituel des sound systems. Il y a un peu tout ça derrière le projet, donc une autre approche du son. Et c'est assez intéressant parce que c'est vrai que Jeff The Brotherhood était bien connu à un moment, bah surtout en 2018, sur cette scène néo-psychédélique avec plein d'autres groupes hein, comme Woods ou bien d'autres. Et on va écouter le morceau Celebration Dub et ma foi, qui m'a accroché l'oreille et donc qui fait que je voulais écouter aujourd'hui. Jeff The Brotherhood avec Blanc du Blanc et le morceau Celebration Dub. Jeff the Brotherhood avec son album remixé avec Bruit de Blanc version dub. Eh bien, on continue sur des contrées un peu plus douces et plus pop avec le groupe Dog Unit. J'ai lu sur leur Bandcamp qui sonnait comme de l'électro, joué par un groupe de post-rock et sur laquelle tu peux danser. De la musique électro. Je trouvais que c'était assez juste comme description, forcément c'est eux qui la font. Et donc du coup c'est de l'instrumental avec beaucoup de textures, de polyharmonie, de polyrythmie aussi même par moment. C'est assez hypnotique, mais ça reste quand même prenant et énergique. J'ai trouvé ça très très chouette en résumé. Alors c'est un live que je vous fais écouter, bizarrement. On n'aime pas trop ça les lives généralement. Mais vous allez voir, c'est tellement propre qu'on s'en rend pas compte. Du coup ce morceau-là en fait il était sorti en 2020. Ils l'ont joué lors de leur passage chez States 51, qui est un label londonien et qui organise des sessions, des live sessions, tu sais, un peu comme Tiny Desk ou je sais plus quoi, KXP, je sais plus. Ouais, ouais. Bref, voilà, la session date de 2024. J'ai écouté le précédent morceau, enfin le morceau Label Coast original. Ça change et c'est assez cool, cette version-là. Donc c'est celle que je propose d'écouter. Donc c'est Label Coast et c'est un morceau des Dog Unit. Thank you. C'était le morceau Label Cost du groupe Dog Unit. Voilà. On part encore sur du dub pour ma part, mais sinon un style différent par rapport à ce que vous a proposé Léna. Léna. Un groupe qu'on a déjà évoqué parce qu'il avait sorti une sublime BO il y a quelques années, c'est les Froid Dub. Alors pas il y a quelques années, on en a parlé l'année dernière. Non, mais qui était sorti en 2024, il était sorti cette BO, non ? Je ne sais pas, bonne question. Bon, quelques années, c'est vrai que c'est l'année dernière. c'est un duo électro-dub glacé et qui reviennent avec un nouveau 6 titres qui s'appelle Tears Maker Chant chez Ramson Note Record. C'est toujours aussi cool et hypnotisant, juste avant où ils avaient peut-être sorti aussi un EP de 6 titres qui était plutôt gabber. Là on est plus sur une vague dub qui est assez cool et on va écouter le morceau On The Nose, Nizentos, Nizentos. Le dub chaleureux de Froid Dub avec le morceau On The Nose. On change de style, on reste dans un truc un petit peu qui sort des sentiers battus avec un tout jeune groupe qui s'appelle Neis, N-E-I-S point. Alors là, c'est un de mes derniers coups de cœur, clairement. J'ai vraiment pas d'infos sur eux. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un oncle et de sa nièce. C'est un duo, en tout cas, formé par Jackie et Stella à Sydney. Et ouais, donc plutôt à classer dans la catégorie expérimentale. On est sur de la musique assez électronique avec synthé et boîte à rythme, bien qu'il y ait une guitare. Et il y a un côté à la fois très simple et naïf et en même temps très riche et recherché, je trouve. Bref, j'ai adoré. Ils ont sorti 2 singles en avril. Le premier s'appelle 6 sur 10, c'est celui qu'on va écouter. Et on va écouter aussi Doghouse à la suite. Voilà, bah, écoutez, amusez-vous! Trouble like a vanishing. Voilà, c'était Ness, mon petit coup de cœur du moment. Je sais pas s'ils feront d'autres choses ou pas, si c'était juste un one-shot pour l'occasion, mais voilà, ça m'a donné envie de suivre ce qu'ils font. Et pour clôturer cette émission... Pardon, je t'ai coupé. Bah non, c'est tout, j'avais tout dit. Pour clôturer cette émission, on va écouter les Kneecap. Ah oui, groupe irlandais, punk irlandais, hip-hop, on ne sait pas dans quelle case. En tout cas, ils avancent masqués ou à moitié masqués, puis un des rappeurs a un masque sur la tête. Une mais cagoule. Ils défendent une cagoule, bien sûr. Ils défendent une cause qui est la Palestine. Mm-hmm. Et ils sont bien attaqués dessus, notamment en Angleterre, mais même en France. Ouais, les États-Unis, ils ont été interdits de tourner. Oui, voilà, il y a eu un peu des pressions faites aussi. En tout cas, c'est très chouette ce qu'ils font. Ils ont sorti un documentaire un peu sur leur vie, docu-fiction, il n'y a pas si longtemps. Et donc, ils ont remixé un des morceaux qui était sur leur premier album, qui s'appelle Hood. Et le remixage est très très bien. C'est pour ça que je voulais vous repasser ce groupe-là. Donc, tout de suite, les Kneecap avec le morceau Hoods. Puis on revient sans doute se dire au revoir rapidement.